Vous écoutez France Inter, il est 17h passé de 8 minutes. Est-ce qu'ils sont là ? Oui, Charline. Présent. Présente. Présente. Alex. Mais présent. Ah. À le rapport, Hélène Chevalier. Merci pour ces informations. Écoutez le débat de ce matin lors de la conférence de rédaction qui fut de haute volée, comme d'habitude, Hélène, vous vous en doutez. Hein. Mais prenez, elle est partie, elle s'en fout. Rien elle a déjà tout annulé. Rien répété, elle est payée jusqu'à 17h08. Voilà. Exactement. Et 17h08, 30 secondes, il n'y a plus personne à la rédaction. Heureusement qu'on est là pour reprendre le flambeau. Allez, c'est parti. Salut les amis. Chut. Mais quoi? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Alex a monté un système d'écoute. Mais il écoute qui? Il peut écouter tous les gens dans la maison de la radio. Mais non, mais, ouais. Mais qui là par exemple? Monsieur Gallet. Mais vous êtes complètement dingue mais ou quoi? Moi je refuse d'utiliser ces méthodes, voilà. D'accord, mais t'en dégoûte pas les autres. Mais bah très bien, je cherche des sujets dans mon coin. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle avec Agnès Salle. Non. Si, il lui conseille de prendre Hubert. Oh, arrêtez, ça ne se fait pas. Attends, c'est un autre coup de fil là. C'est qui? C'est Laurence Bloch. Oh, Laurence. Non. Il parle de grille d'entrée. Ça va jaser dans les couloirs. Charline, reviens, reviens. Non, je ne veux rien savoir. Il parle de Vincent Lagaffe pour le jeu des 1000 euros. Mais non. Et la tête au carré, ce sera plus Mathieu Vidard. Il propose les frères Bogdanov et d'appeler ça la tête au cube. C'est vrai. Rendez-vous avec X. Ils veulent relancer avec Clara Morgan. Rendez-vous avec le X. Ah, c'est bien, c'est une bonne idée ça. Bon, écoutez, maintenant ça suffit, hein. On n'écoute pas les gens, vous raccrochez tout de suite. Ah. Voilà. Et je ne veux plus entendre parler d'écoute. On en parle en sujet 1. Si vous voulez, on ne se met pas en situation. Voilà. Oh, c'est bien. Mais je voudrais juste dire une chose. Oui, bon, vas-y, après on n'en parle plus. Tout à l'heure, en écoutant Mathieu Gallet, il parlait avec Fleur Pellerin, il expliquait que tous les employés de la maison de la radio étaient sur écoute. Même moi ? Tous les employés de la maison de la radio. Ok, reprends ce téléphone. Immédiatement ! Bonjour la France Inter, bonjour Washington et la NSA, bonjour Obama, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui brouille la fréquence de l'actualité. Et voici les trois informations qui auront de la friture sur la ligne jusqu'à 18h. Washington a espionné les téléphones des trois derniers présidents. Paul Bismuth n'est plus seul, c'est Pierre-Paul Jacques Bismuth. Bref, nous sommes sauvagement écoutés par nos alliés. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Si. Qu'est-ce que être français? C'est la question que pose la couverture de l'Express. On avoue être parfois un peu perdu face à cette question. Qu'est-ce que être français? C'est quoi une personne intégrée en définitive? C'est une personne qui bosse dur et qui ferme sa gueule? C'est une personne qui pose pas de problème? Ah, je suis désolé, on peut pas tous être chinois. On la ramène un petit peu moins sur la chanteuse Taylor Swift depuis qu'elle a tenu tête à Apple et obtenu que les artistes ne se fassent pas entuber par la pomme. On ne sait pas ce qu'elle a dans la tête, Taylor Swift, mais commercialement, elle en a dans le pantalon. Me, Taylor is... Non, my Taylor is rich. My Taylor is rich. Je suis accompagnée de celui qui a truffé la rédaction de Microblagues, Alex Vizorek. Des macro-blagues, bonjour Charline Vanhoudacker. Et aujourd'hui, pour l'antépénultième émission de la saison 1, l'équipe type à 17h20. L'homme qui accorde mieux ses instruments que ses idées. Ah. Mais c'est dans cette dissonance qu'on trouve la dimension mystique. Bonjour André Manoukian. Exactement Alex, bonjour Charline. Vous savez que, en fait, quand un ton est trop près d'un autre, les frottements obtenus provoquent une vibration tellement intense que ça pourrait faire mal aux oreilles. Alors l'idée c'est d'être un petit peu plus dans le, si vous voulez, dans l'accord parfait qui est lui-même sous-tendu dans une seule note. Allez, moi j'y vais, je vous laisse. Il y a plusieurs harmoniques. Vous allez parler de quoi? Ah ben je vais parler de la voisine. Ah, vous êtes trop près de la note d'à côté. Elle est à côté de moi, je suis très près d'elle. Par contre, notre vibration est... Oui, on va savoir qui c'est. Oui, on va savoir. Il est 17h30 et on poursuit le sommaire. Mais on n'a jamais le temps de rien dans cette émission. 17h30, notre invité, c'est Rosine Dachaud, du journalisme. L'homme qui prend tous les risques. Il a été faire un reportage sur Teddy Riner et héroïquement, il a choisi de ne pas l'interviewer. Ouais. Teddy Riner, pour être certain de ne pas le croiser, il s'est donc rendu à Levallois. Mais tout à fait, je suis allé à Levallois-Perret ce matin pour interroger les habitants à ce sujet. Bon, bah, c'est peut-être des conneries qu'ils disent, mais dans les conneries qu'ils disent, c'est la vérité. Voilà, et ben, voilà. Ça pourrait être la devise de Levallois-Perret. Et à 17h40, celle qui dans 3 jours sera débarrassée de moi. Oh. Et je ne vous cache pas que je mise un peu sur le manque. En tout cas, le résultat ne pourra pas être plus mauvais que toute cette année où j'ai misé sur l'offensive. Bonjour Clara Dupont-Vallot. Bonjour Alex. De quoi va-t-on parler? Eh bien, l'actualité étant que nous allons bientôt nous quitter, effectivement, pendant 2 mois, mais moi et toute l'équipe, je vous ai choisi un livre qui parle d'amour et de mélancolie. Allez, intervenez dans cette émission grâce aux moyens modernes, Twitter et Facebook, où nous postons aussi les meilleurs moments vidéo de ce qu'on appelle la radio enrichie, n'est-ce pas ? La radiovision. On embrasse Mathieu Gallet. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes né sous Giscard, vous publiez votre premier album et chantez La Liste en 2006, c'est l'année où Ségolène Royal est élue candidate à la présidentielle. Vous recevez le Globe de Cristal de la meilleure interprète féminine en 2010. C'est l'année où Carla Bruni sort son troisième album et Marion Cotillard reçoit un Oscar. Vous venez de sortir votre dernier album au moment où Jean-Pierre Chevènement fait son retour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous êtes Rose. Rose. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Merci d'être, Rose, d'être parmi nous. Votre dernier album s'appelle Pink Lady. Mm-hmm. Il vient de sortir, il est tout frais. Ça date du 15 juin. Eh oui. Et vous serez en concert cet été, le 12 juillet, au Francophonie de La Rochelle, le 25 juillet, au festival Tout un Foin de Bayeux, et le 30 juillet, à Carcassonne, notamment. Eh oui. Alors, entre l'album qui vous a révélé avec le fameux tube La Liste et cet album Pink Lady, il y a quasiment 10 ans qui se sont écoulés. 10 ans où vous avez plongé dans ce milieu professionnel de la musique, où vous avez fait plein de rencontres évidemment qui vous ont nourri. Qu'est-ce que vous ont apporté toutes ces influences et qu'on peut retrouver aujourd'hui dans cet album ? Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Bah, je pense que déjà, je me suis un peu professionnalisée. J'ai du mal à le dire tellement, je le voulais pas du tout. Mais en fait, j'avais vraiment pris ça comme une chance et un peu une colonie de vacances, un hobby. Donc, on faisait des concerts pour rigoler, puis on s'en foutait que ça soit bien, pas bien. Je faisais pas attention à ma voix. Maintenant, je fume beaucoup moins. Ah oui, c'est vrai. Et puis, soudainement, j'ai l'impression que je me suis un peu ancrée dans le métier, que le métier est entré en moi comme je suis rentrée dans le métier. Et je pense que ça se sent là parce que... Ah oui, je rentre dans le métier. Moi. Oui, la voix, le regard, a toujours ce regard. Hein. L'image lui parle. L'image était très... Oui. Mais en même temps, on dit aux innocents les mains pleines. J'avais un copain qui avait fait une pièce de théâtre comme ça où ils étaient 10 à la queue levée en train de se prendre les fesses, en train de dire il était innocent. Mais non, mais blague à part. Cette innocence, vous l'avez toujours gardée. Quand vous dites vous êtes professionnalisé, on pourrait se dire elle est rentrée dans un truc technique ou elle se la pète un petit peu maintenant. C'est ça qui est paradoxal. Quand on est un artiste, au fond, on n'est jamais meilleur que quand on est frais. Exactement. Et cette fraîcheur. Vous êtes en train de me dire que mon premier album était beaucoup mieux. Je suis en train de vous dire que cette fraîcheur, vous l'avez gardée dans cet album-là. Et que même vous vous livrez. Et quelque part, c'est assez troublant parce que vous n'hésitez pas à déballer même les choses qui ne fonctionnent pas. Notamment certaines relations avec des garçons. Est-ce qu'il faut être, quand vous parlez des rendez-vous du mardi, c'est votre psy, c'est ça? Ah oui, oui, tout à fait. Et donc, vous y allez quand même. Donc, cette mise à nu. Allongez-vous, Rose, avant de parler. Cette mise à nu, c'est quoi ? En musique, ça passe mieux, c'est ça ? Ou alors, c'est vraiment un travail introspectif qui vous a fait du bien ? Non, c'est vraiment un travail introspectif. Pas d'avoir écrit cet album, mais d'avoir fait une analyse de moi-même. J'ai appris à me connaître un mardi par semaine, c'était vraiment le cas. Mais j'ai aussi arrêté d'y aller, comme je dis, je ne viendrai pas demain, au moment où justement je trouvais qu'on allait trop loin dans l'introspection et que finalement je m'en sortais mieux avec mes fils, mes nœuds et tout ça. Et ça m'a débloqué pas mal de problèmes et en même temps ça m'a permis d'avancer. Et puis après, j'ai pris un peu mon envol sans ça. Mais c'est vrai que professionnaliser, c'est pas du tout le mot, dans le sens où aujourd'hui, toujours, j'ai une vision de ma carrière qui reste, si je devais décrire en un mot, je dis toujours que j'ai de la chance. Donc je considère même pas que je travaille, alors que tout le monde me dit mais oui tu travailles. Je considère pas que j'ai du talent. Enfin, j'ai du mal à donc ça c'est la garantie de conserver cette fraîcheur et ce qui fait vous, Rose, qu'on a connu il y a 10 ans tout simplement, et aujourd'hui qui ajoute une couche de technique avec des gens qui vous entourent. Vous êtes mieux entouré aujourd'hui, voilà, évidemment. Et puis je pense que ma vie aujourd'hui est peut-être plus remplie. J'ai eu 10 vies en 10 ans. Je bouge beaucoup, je suis très instable dans ma vie personnelle, et des tonnes de concerts. Et puis, du coup, ça me fait plein de choses à écrire, c'est génial. Des tonnes de concerts qui vous alimente musicalement pour faire évoluer aussi l'écriture musicale. Oui, déjà moi je ne fais ce métier que pour aller sur scène, mais aussi je vais énormément moi voir des concerts et je prends à chaque fois énormément de ce que je vais écouter, et j'avoue que il y a des choses qui me mettent des claques et je me dis j'aurais pas dû y aller. C'était trop. Toutes ces influences, évidemment. André Manoukian, on va en parler tout à l'heure vers 17h30, hein, à peu près de 17h30 à 19h30 à peu près. Il nous parlera du dernier album de Rose, Pink Lady, et bien sûr on écoutera un extrait. Vous êtes en notre compagnie jusqu'à 18h. Rose, on vous kidnappe. J'adore. Ah oui, on vous laissera pas partir avant 18h. Pause musicale, Down the Road, C2C, c'est bien ça ? La chanson de Breakbeat, extraite de l'album Tetre 4, paru en 2012. En tout cas, les gens ont des bonnes infos, et c'est ça qui compte. Ça, ouais. TETR4. Fort peut-être alors. Ou alors, on a oublié d'appuyer sur F12 au moment d'imprimer ma fiche, mais ça, je ne le saurai jamais. Je vous le dirai après, parce qu'il y avait une intro de 33 secondes, je ne voulais pas vous laisser seul chez vous. Maintenant, sur France Inter, youhou ! Place to go. Hell no place to go. Darling, hell no place to go. Hell no place to go. C2C, Down the Road, et c'est bien sur l'album Tetre 4, T-E-T-R-4, paru en 2012, hein, et je mets au défi quelconque de me contredire, ils parce que nous allons disques, vérifier. Grâce à vous, en tout cas. Mais c'est génial, ce blues du Bayou qui repasse par des platines et du scratch, c'est, voilà, c'est le boulot de C2C. C'est le scratch Bayou. Ils sont quatre. Pas vu. Exactement. C'est vrai. Faites bien de le dire. Merci, nous sommes avec Rose aussi. Rose et son dernier album, Pink Lady. André Manoukian, vous nous en parlerez dans quelques minutes, bien sûr. Avec joie. Rose, à ce moment-ci, on vous informe, je pense qu'on peut ça, le dire. C'est nécessaire. Soyez attentifs. Il est là, il y a... C'est pas... Contrairement à ce qui s'agit. Lui, c'est raisonnable. Elle, c'est la colérique. Lui, c'est la colérique. Elle, c'est l'excessive. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Ça voilà, si on peut se réveiller en juste formidable. Hein, cette journée consacrée aux grandes oreilles, on a lu les feuilles de chou. Et ouh, on commence par un son. Tout à fait. Hier, à l'Assemblée, Éric Ciotti, qui est de Nice, comme vous, je crois, Éric Ciotti, il est du Sud, député Les Républicains, a posé une question virulente à Christiane Taubira. Et elle lui a répondu avec un grand sourire. Éric Ciotti, j'avoue que malgré toutes ces années passées, Vous conservez pour moi quelque chose de mystérieux. Je me demande si, lorsque vous affirmez certaines choses, vous y croyez vraiment. Alors, si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède. Mais Christiane, qu'est-ce qui nous arrive? Je ne sais pas, Eric. Quand je te vois, j'ai envie d'être une frondeuse de l'amour. Oh, Christiane. Et quand je te vois, j'ai envie d'éclore, telle la rose de Ronsard. De qui? Bah, oublie ça. Tu sais, Christiane, la première fois que je t'ai vue, j'ai voulu te reconduire à la frontière. Et puis j'ai appris à te connaître. Moi aussi, Eric. J'ai d'abord détesté ton crâne d'œuf, mais... Christiane! Eric! Ensuite, le flash d'informations sur France Inter à 17h23. Sujet suivant. Oui, c'est le scoop de Libé et Mediapart. La NSA a placé sur écoute Chirac, Sarkozy et Hollande. Donc pas Mitterrand. Ah non, du temps de Mitterrand, c'est lui qui écoutait la NSA. Passons à cette info en une du Figaro ce matin. La charge virulente de l'Académie française contre la réforme du collège. Les académiciens préconisent l'uniforme à l'école et le port de l'épée en classe. Astronomie. Le club scientifique d'un collège du territoire de Belfort a expédié une saucisse de morteau à 32 000 mètres d'altitude au moyen d'un ballon faisant office de sonde. Ah, vous êtes en train de nous expliquer que la France vient d'envoyer une saucisse dans l'espace, quoi. Oui. Ok, bah, je comprends pourquoi c'est pas la NASA qui nous écoute. Hein. Ouais. Une info people. Brigitte Bardot écrit une lettre anti-fourrure à la chatte de Lagerfeld. Eh ben, tant qu'elle écrit pas une lettre au Charpet pour l'utilisation abusive de son image, ça me semble pas mal. Et rendez-vous devant la 17e chambre correctionnelle pour diffamation avec Alex Vizorek. Pour le Charpet, c'est le Charpet. Oui, pardon. On termine par un hommage à notre invité. Mais oui, le tube de Rose, c'est la chanson La Liste. Ouais, je suis très fan de votre musique, mais j'ose pas le dire parce que ce qu'il pense de mes goûts ici autour de la table, c'est discutable. Non, mais là, on est d'accord. Ouais, pour une fois, on est d'accord. Et donc, c'est La Liste, c'est une femme qui fait une liste de toutes les choses qu'elle a envie de faire avec son compagnon. J'ai donc imaginé Julie Gayet faisant sa liste. Se serrer la ceinture, t'acheter de la teinture, manger des croissants, présenter ma maman, partir en Syrie, être la first lady, nous promener sous la pluie, craindre une canicule, habiter à Tulle, caresser Philae, encenser Juppé, sourire beaucoup trop, relire Modiano dans un Falcon trop beau. Bouffer des hamburgers, insulter Trierweiler. Si tu promets tout ça, j'arrête le cinéma. J'ai rien trouvé de plus banal, mais ça peut te paraître bien trop normal. Mais c'est la liste des choses que je veux faire avec toi. Quelle voix! Je me suis appliqué, hein, 14 tentatives. Rose, c'est votre chanson qui a ce pouvoir de rendre n'importe quel tocard qui la chante tout d'un coup sexy. Je crois. Hein. Et en fin d'émission, je vous proposerai, si vous l'acceptez, de faire la liste de Carla Bruni. Je me suis permis de gratter 2-3 bêtises. On verra tout à l'heure. Vous avez 30 minutes pour vous décider. Et puis, que vous vous décidiez ou pas, vous pouvez aussi venir à Gavo jeudi soir, Alex. Oui, tout à fait, on sera à Gavo avec Guillaume Meurice, on donne des places et on a demandé aux gens de proposer un alexandrin que j'aurais pu dire à Clara. Et c'est Stéphane Pipard qui me propose « Charline en est témoin quand j'aurais tout tenté. Si toi, douce Clara, si souvent convoitée, tu persistes à vouloir mes assauts repousser, j'irai avec Guillaume, ou pire, avec Dédé, deux places pour lui. » Merci à vous, mais dépêchez-vous parce que malgré toutes vos bêtises, il ne reste plus beaucoup de places. Nous avons Stéphane, nous avons des auditeurs de talent sur France Inter. Et nous sommes aussi en compagnie d'invités de talent. Rose est avec nous pour la sortie de son album Pink Lady, dont André Manoukian va nous parler dans quelques minutes, juste avant un petit sujet, quand même, ce premier sujet, Washington. Petit sujet. Petit sujet, vous savez. C'est pas comme si on s'en doutait pas, quand même. Hein. Washington a donc espionné, dingue, Chirac, Sarkozy et Hollande. Ils savent quoi faire pour se marrer à la NSA, hein, coûter les conversations privées. Notre dernier président, c'est vrai que c'est une bonne idée. Quant à Hollande, visiblement, un micro était caché dans une chambre de l'Élysée. Tu enregistres, oui? Je t'assure que j'ai passé une nuit épouvantable à Munich. J'ai rêvé de toi cette nuit. J'ai rêvé que tu m'arrachais mes vêtements. Tu avais de grandes mains brûlantes et tu m'arrachais mes vêtements. Laisse cette chemise. Tu l'as craquée, maintenant tu es contente. Mais tu me fais mal. Serre-moi toutes tes forces. Écrase-moi. Mais arrête de me faire tomber. François, cheval. C'était quoi le grand blond avec une chaussure noire, figurez-vous. Alors Rose, on s'adresse à la citoyenne aussi et à la juriste de formation, mais pas avec une question technique, je vous rassure. Mais est-ce que vous faites partie de ceux qui s'insurgent devant les pratiques des Américains, qui écoutent tout vraiment, ou ça vous heurte pas vraiment, ou ça vous indigne pas spécialement, ou vous trouvez ça juste amusant? Quelle est la réaction quand vous entendez ça? Moi, je sais. Enfin, en fait, j'étais même pas étonnée. En fait, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça se passe, non? Alors, c'est vrai que ce sont nos alliés quand même politiquement. Donc, est-ce que ça se fait entre amis de s'espionner? Bah, honnêtement, moi j'ai l'impression que c'était courant et ça m'a pas du tout choqué. Les diplomates ne sont pas étonnés. Ouais. Voilà, tout ce qui est interdit, c'est ça qui intéresse justement, et je comprends à la limite que, vu ce qui se passe en France, qu'on s'intéresse beaucoup à nous. Bon, quoi. On apprend des petites choses. Ouais, hein. Je suis d'accord avec vous. Si nous, on les écoute aussi, mais est-ce qu'ils y ont pensé? Mais peut-être nous, on n'a pas le matos. Mais peut-être que juste nous, on s'est pas fait gauler. C'est tout. C'est vrai. Mais écoutez, on apprend des bonnes choses. Il y a par exemple un bon dossier dans Libération, puisque c'est Libé qui sort le scoop avec Mediapart. On apprend notamment que Nicolas Sarkozy est intervenu auprès de Barack Obama, personnellement, en faveur de... Non pas l'Afghanistan, non pas le Yémen, en fonction de Pernod Ricard, en guerre contre son concurrent Bacardi pour l'exploitation du label Havana Club aux États-Unis. Entre deux affaires au Moyen-Orient, un petit coup de Ricard, allez, hop, hop, et un petit coup d'André Manoukian, j'ai envie de dire. Qui s'est plongé dans l'album de notre invité Rose, son dernier album Pink Lady. Il me tarde. Il s'est plongé, il n'en est pas sorti vraiment indemne, parce qu'il y a quelque chose de... J'ai le sentiment d'être entré dans l'intimité de Rose, et chaque fois ça me gêne un petit peu d'entrer dans l'intimité des chanteuses qui se dévoilent. On s'y fait. La première chanson du nouvel album de Rose s'appelle Je compte. Une énumération à nouveau en miroir avec la chanson qui l'a rendue célèbre, La Liste. Il faut toujours un point de démarrage, un point pour s'ancrer, un repère. Pour nous, public, et pour elle, chanteuse, ce repère, c'est cette liste. Souvenez-vous, la liste des choses qu'elle voulait faire. Une chanson miroir, c'est après tout décliner un même thème. C'est connu, on tourne toujours le même film, on écrit toujours le même livre, on compose toujours la même chanson, voire on écrit toujours la même chronique à base de la flèche de Nietzsche plantée dans le cul du Yoruba en train d'éclater la tique de Gilles Deleuze. Mais la technique du miroir, c'est la base de la musique. Celui qui a tout plié, tout dit, le grand John Sebastian himself, Bach, il appliquait la technique du miroir à ses mélodies. Je fais une mélodie qui monte sur une mesure, je mets un miroir au milieu, et pif, la mélodie descend la mesure d'après de façon symétrique. Ah genre, il a tout piqué à Rose, quoi. Regarde, je remets un miroir verticalement, et voilà le tout transposé. Pendant ce temps, le miroir horizontal, cette fois sous la mélodie. Quand la mélodie monte, la basse descend, c'est le contrepoint. C'est quasi mathématique, c'est ça qui va permettre à Bach de construire de véritables cathédrales soniques. Alors si Rose attaque son album par une chanson miroir, Je compte, c'est qu'elle est une vraie auteure, avec de vraies obsessions, et pour le coup, ça nous la rend plus attachante. Voilà ce qu'elle dit. Je compte pour du beurre, je compte les moutons, les amants dont j'ai oublié le nom, je compte sans compter, juste pour m'occuper. Plus loin au refrain, je compte à rebours, à l'envers mon amour, je compte sur toi, c'est plus fort que moi, je compte à rebours, à l'envers ton amour, je compte pour toi, c'est plus fort que moi. La voix est mezzo. Mezzo, ça veut dire grave et légèrement voilée. Hein, pour Clara qui ne connaît pas tout. Merci bien. Cette voix mezzo... Clara est ténor, par exemple. Surtout quand elle fait... Ouais, on a Pavarotti derrière. Ouais, des baritons. Cette voix mezzo classe Rose directement dans la catégorie des envoûteuses. Sauf que ce qu'il y a de très sympa chez Rose, c'est qu'elle ne sait pas qu'elle est une envoûteuse. Elle ne joue pas les vents. elle joue pas les femmes fatales. Elle semble toujours être en dessous de ses possibilités, à la cool, à la brésilienne. Comme si, au fond, tout ça n'avait pas vraiment d'importance. Mais et oui. Du coup, elle crée un rapport avec nous, de super copine qui se confie et qui a toujours un regard légèrement ironique sur elle. Genre, je n'y crois plus, mais je ne suis pas malheureuse. Un regard de présocratique matérialiste. C'est ça. La c'est position ça, c'est ça. Voilà. philosophique la plus Personne courageuse qui soit, au fond, tout ce dont on est sûr, c'est que l'univers n'est fait que d'atomes et de vide. Le reste n'est que supposition. Démocrite lui a tout piqué, alors. Exactement. Bah, elle se fait piller par Bach et Démocrite, dans la même chronique. Et je vois que vous connaissez Démocrite maintenant, Je vous écoute, Maurice. André. Il y a de l'abandon dans la voix de Rose. Et ça, c'est très précieux. Et ça ne se travaille pas. On l'a ou pas, le lâcher prise. Et quand on l'a pas, on fait partie de la catégorie des CCC, les chanteuses casse-couilles cosmiques qui vous aspergent de leur sécrétion vocale. C'est ça, quatre. On salue Lara Fabian, Alors que la voix de Rose nous murmure en sous-texte, en tout cas, c'est comme ça que je la comprends, moi, qu'on serait bien ensemble sur une plage le temps d'une soirée, on se raconterait des mensonges qui nous feraient du bien. Et quel mal y a-t-il à ça au fond ? C'est pas parce qu'on est lucide qu'on peut pas rêver. Rose, elle fait rêver les lucides dans un rêve éveillé. Rose, elle ne nous demande rien et pourtant on a envie de la consoler. Rose, elle a parfois un regard un peu triste sur l'amour qui nous fait espérer et croire au grand amour parce que Rose, on n'aurait pas envie de la décevoir à nouveau. On n'a pas envie de se retrouver au top, tout en haut de la liste des salons. Oh mon Dieu, j'acharne de Paul. C'est toi. Je compte les jours, les calories, mes dépenses, mes économies, les paires de bottes. Je compte les clopes, les voyages que je fais pas, les heures loin de toi. Je compte, je compte, je compte encore, juste pour compter, pour le confort, l'argent qu'il resterait, pour vivre sans compter. Je compte à haute voix, je compte tout bas, je compte tout bas. Je compte à rebours, à l'envers mon amour, je compte sur toi, c'est plus fort que moi. Je compte à l'envers ton amour, je compte pour toi, c'est plus fort que moi. Je compte mes amis sur quelques doigts, les ennemis que j'ai sur les bras, les pieds de mes vers, les kilos et les guerres que je prends, que je perds, tout ce qui me reste en travers. Je compte pour du beurre, je compte les moutons, les amandons, j'ai oublié le nom. Je compte sans compter, juste pour m'occuper, les tic-tac de l'horloge, le temps que je m'accorde, le temps que je m'accorde. Je compte à rebours, à l'envers mon amour, je compte sur toi, c'est plus fort que moi. je compte, c'est l'extrait du nouvel album Pink Lady de Rose qui est avec nous aujourd'hui. Elle sera en concert cet été, le 12 juillet au Franco de La Rochelle, le 25 juillet au festival Tout un Foin de Bayeux et le 30 juillet à Carcassonne. C'est là qu'on voit quand même l'utilité des chroniques d'André Manoukian, parce que maintenant j'ai réécouté, c'est vrai que le côté pré-socratique matérialiste eh ben, paraît beaucoup plus évident. Je demande pardon de ne pas l'avoir vu. Et Rose n'écoutera plus jamais son dernier album de la même manière. Je ne l'écoute pas en même temps. Bah écoutez, en tout cas, vous allez réécouter la chronique de Manoukian qui vous a troublé. Moi, j'ai pris en photo, je vais la poster partout, je vais en faire un poster au-dessus de mon lit. Eh oui, c'est comme ça. Dans cette émission, à cette heure-ci, Rose, c'est un démocrite, un grand démocrite. Il y a les républicains et les démocrites. Lui, il est plutôt démocrite. C'est Guillaume Meurice, humoriste qui s'essaye au journalisme et qui l'y réussit fort bien, je dois dire. Ah bah merci beaucoup, merci Charline. Alors aujourd'hui, je me suis intéressé à l'affaire Teddy Riner. On l'a appris cette semaine, le judoka français est payé 30 000 boules par mois par son club de Levallois-Perret, qui lui-même est en grande partie financé par les impôts des habitants de la ville. À première vue, on se dit 30 000 euros pour un type en sueur et en peignoir qui culbute d'autres types du même style, ça fait cher le porno gay, mais c'est un petit peu plus complexe que ça quand même. Qu'est-ce qu'on en pense du côté de Levallois? Pour ceux qui ne connaissent pas, faisons d'abord un petit point sur la ville avec un premier habitant. C'est devenu une ville jeune. Une ville jeune, Levallois? Ah oui, il y a beaucoup de jeunes, j'en veux pour preuve. Je suis allé à la messe dimanche. Ah, attendez, il y a beaucoup de jeunes à la messe à Levallois. Étonnant, ça m'a surpris. Qu'est-ce que vous appelez jeune? Jeune, des enfants. Des enfants que les grands-parents obligent à aller à la messe, donc la fameuse école de formation de la Manif pour tous se trouve donc à Levallois-Perret. Belle initiative, rencontre avec d'autres habitants. On est né à Neuilly, c'est pas loin. Vous voyez, de Neuilly, nous avons immigré à Levallois, mais nous nous plaisons beaucoup à Levallois. Ah, vous êtes des immigrés? Oui. De Neuilly à Levallois. Pourquoi vous êtes allé à Levallois alors? Ben parce que notre logement était, on ne nous avait pas cherché notre logement, mais on vendait notre logement. C'est une immigration économique alors? Voilà, c'est ça, exactement. Ah, et ça, c'est dur, hein, toujours ce problème de migrants, cette fois-ci entre Neuilly et Levallois. On a tous en tête ces images terribles, hein, d'embouteillages, de sièges à porteurs, de Porsche Cayenne décapitée. Potable. Bon, c'est moche, des gens qui ont trouvé refuge donc à Levallois, chez Patrick Balkany. Qu'en pense le mari de cette dame? C'est-à-dire qu'il y a deux choses à voir. Il y a les histoires de monsieur Balkany et après les histoires du maire. Et c'est deux choses à ne pas mélanger. Ah, c'est pas la même personne? Non, c'est pas la même personne. Politiquement parlant, c'est pas la même personne. C'est ça qu'on savait pas. Ah, oui, on dit toujours, ouais, le maire de Levallois, quel escroc, quel magouilleur. Mais c'est oublié bien vite que Patrick Balkany, en revanche, lui, c'est un mec bien. C'est un mec intègre, vous voyez? Ça, on y voit plus clair maintenant. Mais le mec qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Teddy Riner. Est-ce que cet autre habitant l'aime bien? Non. Pourquoi? Non. Ah, parce que. J'aime pas les couleurs. C'est-à-dire? Ah, ben, il est noir. Ah oui? Ah, si. Ah, vous l'aimez pas parce qu'il est noir? Ah oui. Moi, je porte pas trop les noirs, les arabes, j'aime pas ça. Alors, pourquoi? Bah parce que je les aime pas. Voilà, alors au niveau de l'argumentation, on sent que c'est pas tout à fait abouti, mais on sent surtout qu'il aime pas Teddy Riner, hein, ça on en est certain, ni tout ce qui est bronzé d'ailleurs. S'il y a dans les jours qui viennent un attentat au point soleil de Levallois, on a un suspect à trouver. Mais bon, ça n'a rien à voir avec le salaire de Teddy Riner, 30 000 euros par mois, je vous le rappelle. Qu'est-ce qu'en pense cette dame? Bon, c'est sûr qu'à côté de ma petite retraite qui est à peine 2 000 euros... Mais vous faites pas de judo, vous? Moi, je fais pas de judo, voilà. Là est la différence. Et voilà. Voilà. Vous n'avez pas envie de vous mettre au judo? Non, c'est fini. Mais ça vous permettrait peut-être de gagner 30 000 euros par mois? Oh, vous savez, je crois que je vais dire quelque chose qui est pourtant vrai, c'est que les Français ne savent pas se contenter de ce qu'ils ont. Mais ah, oui, vous avez bien raison, madame. Dame. Les Français sont toujours à gueuler alors qu'ils peuvent très bien vivre avec ce qu'ils ont. Quand je vois tous ces pauvres dans la rue, là, ouais, j'ai faim, bah mange mon grand. Hein, c'est pas bon de sauter des repas, je te jure. C'est pauvre, quoi. Faudrait mieux d'écouter cette dame de droite décomplexée. Et puisqu'on parle de la droite, allons directement au QG des Républicains à Levallois et parlons avec une militante comment elle juge le salaire de Teddy Riner. Mérité, ça c'est une chose qui est sûre. Après, dans les grilles de salaire, je n'y connais pas, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. Ah bah, vous pensez quand même qu'il est mérité, donc c'est que vous avez un avis sur la question. Oui, s'il reçoit cette indemnité, c'est qu'il la mérite, ça c'est sûr. Il mériterait même peut-être plus. voilà, c'est pas, ah, voilà. C'est pas donné à tout le monde d'être champion. Après, la jalousie, on compare pas le salaire d'un PDG. Dans ce cas-là, les salariés, pourquoi remettre pas en question le salaire de leur PDG à chaque fois ? Eh ben oui, elle a raison. On va pas commencer à se plaindre que les patrons sont trop payés. Et pourquoi pas dire qu'il y a des inégalités sociales dans ce pays ? Non mais attendez, non mais on va où là ? C'est quoi la prochaine étape ? Abonnement obligatoire à Libé, hein ? Ce torchon bolchevique financé par les Rothschild ? Hors de question. Non, non, mais attendez, excusez-moi. Je m'énerve, mais elle a raison, cette demoiselle. D'ailleurs, comme on était bien, là, entre jambes droites, j'ai tenté d'en profiter. Bon, moi, je suis champion de France de baby-foot. Si je mets un petit autocollant Levallois-Perret sur mon t-shirt quand je joue, est-ce que vous me donnez un petit billet ? Faut que vous me le prouviez. Venez, on fait une partie. Et si je vous bats, alors à ce moment-là, vous me donnez quoi ? 200 000 euros ? Non, mais je vous paye un café. Ah, voilà, ah, elle essaye de me corrompre. Il n'y a pas de doute, on est bien à Levallois. La ville de Patoche et Teddy, de poids lourd, du détournement de fonds publics. Merci Guillaume Meurice. Votre passion pour Levallois nous perdra tous dans cette émission. Deuxième sujet en votre compagnie, Rose. Qu'est-ce que ça signifie être français ? C'est la question que pose ce matin la couverture de L'Express. Parce qu'on n'en a jamais autant parlé d'être français et on n'en a jamais autant parlé aussi mal. Et moi, je n'ai jamais parlé aussi mal aussi parce que ce n'est pas très très clair ce que je viens de dire. Enfin, voilà. Vous n'êtes pas française ben oui, vous êtes belge, vous avez une excuse. C'est vrai. Donc, ce titre, hein, qu'est-ce que ça signifie d'être français ? C'est sûr qu'on en parlait beaucoup mieux avant. Le vin rosé qu'on boit glacé au bord d'une calanque. Instituteur et le curé. Casaray, ça fait partie de vos influences, bien sûr. Bien sûr. Ricazaray, elle n'est pas israélienne ? Voilà, Ricazaray, c'est fait, ça la France. Moi aussi, j'ai un peu du mal parce que j'ai une double nationalité aussi. Je suis comme Ricazaray, je suis israélienne. Donc, on parlait musicalement, hein. Vous avez essayé de détourner la question. Non, mais c'est israélien. Donc je me sens française comme parce que j'habite en France, mais quand si j'ai envie de partir vraiment en Israël, je me sens aussi israélienne, mais je n'ai pas du tout un sentiment de nationalisme. Donc c'est une question de sol et pas une question de sang. Bah ouais, enfin moi franchement je me sens vraiment habitante du monde, au-dessus de ça quoi. Là où j'habiterais, oui. Petite fille, j'ai lu d'un tailleur italien qui s'est installé à Nice et votre papa est pied noir. Voilà. Et donc, est-ce que c'est pas aussi ça la France, enfin la France telle qu'on, enfin moi en tant que belge quand je suis arrivée en France, j'imaginais justement la France métissée, c'était pour ça que j'aimais. C'était ça, j'ai l'impression qu'à l'époque c'était un peu la course vers n'importe quoi, là, ça y est, je sais plus. Le rêve français. Ouais, le rêve, j'allais dire, le rêve niçois. Mais c'est vrai que mon grand-père est arrivé d'Italie, il n'y avait pas de travail, il a laissé sa famille là-bas et lui, il travaillait à Nice pour les faire venir. Et puis pareil, mais les parents, ils ont fait l'inverse, ils ont envoyé les enfants à Nice et eux, ils sont restés en Algérie pendant la guerre pour régler leurs problèmes, donc c'était tout l'inverse. Et voilà, donc ma mère et mon père se sont rencontrés en boîte de nuit à Nice à 17 ans, je trouve ça magnifique. Mais oui. Il y a donc un dossier dans L'Express qui fait sa couverture et justement un papier qui dit « La France est prise entre le tourbillon de formule à l'emporte-pièce et la remise en question du modèle qui faisait sa fierté, le fameux modèle dont on parlait. » Est-ce que c'est nécessaire de se la poser, cette question ? Par exemple, vous, Alex Vizorek, qui est tout le temps en France. Moi, je me sens français, malgré tout. Un petit peu aussi. Les gens essayent de me dire que c'est pas vrai, mais je ne les crois pas. Moi, je me sens un peu belge avec Moi, citoyenne européenne. Voilà. Et vous, Clara ? Et un peu arménien. Et vous, Clara, c'est à vous, c'est le moment de nous le dire. Et oui, 7h46. C'est à vous, Clara ? C'est ça. C'est à moi. L'actualité. L'actualité. Un strepsis ? C'est que nous allons bientôt nous quitter pour 2 mois. Mais oui, mais pour nous, c'est épouvantable. Et chacun autour de cette table voit arriver cette échéance avec angoisse, car il s'est noué des liens très forts durant cette équipe, durant cette année. Surtout alors, moi, là, je m'angoisse déjà. Vous pouvez, parce que c'est pas exactement l'amour, faut pas exagérer, mais une solide affection, matinée de désir sexuel, Alors, justement, un livre vient de sortir et qui s'appelle « Pas exactement l'amour » et c'est fait pour nous. Ah. Il est signé Arnaud Catherine et alors j'aime beaucoup cet auteur parce qu'à chaque fois il arrive à faire ça, en fait, il raconte des histoires qui rendent heureux et qui serrent le cœur. Il y a toujours un mélange de joie et de mélancolie et c'est un mélange, un cocktail qui en général est très difficile à obtenir et lui, il y arrive parfaitement. Donc « Pas exactement l'amour », ce sont 10 nouvelles autour de ce qui ressemble à l'amour, mais pas encore, ou trop, ou plus. C'est-à-dire début d'une histoire, la passion, ou alors la fin d'une histoire. C'est-à-dire pas exactement l'amour à chaque fois. Je ne sais plus si je t'attends ou si je fais juste semblant. Ah, c'est ce que vous chantez, Rose. Je croyais que vous me citiez le livre, j'allais dire, mais je l'ai choisi aussi parce qu'il est exactement dans la continuité de votre univers, parce que c'est ce que vous chantez, effectivement, dans votre chanson, Je ne sais plus. Alors, dans ces 10 textes, on a un jeune homme invité au mariage de son vieux copain. Alors, rien de plus banal, sauf que les deux jeunes hommes ont été amants pendant très longtemps. Personne ne le sait. Et le marié, lui, il a posé un couvercle sur l'histoire homosexuelle qu'ils ont eue, alors que notre témoin, qui est celui qui raconte l'histoire, n'a pas du tout oublié. On a aussi le début d'une passion. Alors ça, c'est la première nouvelle que j'adore, qui est racontée avec une justesse et un calme incroyable, le début de l'histoire qui dérape. C'est-à-dire le garçon qui commence à guetter les textos, qui se montre impatient, qui se montre inquiet. Je cite, « Une demi-journée sans nouvelles suffisait à faire une perte ». C'est quand même très beau. Ce qui est fou, c'est que c'est le texto. On commence une histoire d'amour avec des textos. Exactement. Aujourd'hui. Et alors, donc, cette phrase. C'est ça qu'on guette, quoi. C'est voilà. Texto. Et on n'a pas le texto. Avant, et ça suffit à faire une perte. On attendait au loin, de la fumée, voiture et revenir. Non, maintenant, c'est. Le texto. Le texto. Et quand il n'arrive pas, ça crée une perte. T'aimer de mais tout mon être. Vous répondez jamais. Je ne suis. Laissez-moi citer Rose, s'il vous plaît. T'aimer de tout mon être, je ne suis bonne qu'à ça. Ça, c'est vous qui dites ça, Rose, en écho dans votre chanson, donc La Liste. Après, il y a ma nouvelle préférée. Rose, vous partirez avec le livre et vous me direz si ça va être votre préférée aussi. Elle s'appelle J'attendrai. C'est un jeune homme qui aime une femme mariée et qui l'attend. Alex, je ne vous apprends rien. Souvent l'inverse. Voilà. Elle, ben oui, mais là, c'est lui, il l'attend. Voilà. Donc, elle a dit, je passerai à 18h. Il est 18h10 et il sent, il flaire qu'elle ne viendra pas. Il a fait elle des courses. Elle ne pourra pas. Il a acheté à boire. Ah, il a prévu de faire genre, je suis occupé à travailler. Il a mis un peu de bazar dans son bureau. Quand elle sonnera, mais il se trouve qu'elle ne sonne pas. Et il dit, après t'avoir attendu, le tout est de savoir ce qui m'attend. Mais c'est vraiment très, très beau. Et alors, pour tuer le temps, qu'est-ce qu'il fait, notre jeune homme? Il fume plein de cigarettes en observant sa voisine. Il a vu sur son salon. C'est une femme entre deux âges, assez élégante. Il la voit boire un thé, elle regarde dans le vague et soudain, il l'envie parce qu'elle, au moins, elle sait que son mari rentrera à une heure précise. Elle n'aura pas besoin d'attendre. À ce moment-là, le texte bascule et on est avec la voisine. Et elle voit ce jeune homme, justement, en face, qui fume et elle dit « Il attend la fille, c'est tout vu, je connais la scène par cœur. » Parce qu'elle les a observés déjà, évidemment. Et elle comprend très bien parce que son mari, il a beau rentrer chaque soir à la même heure, et ben elle aussi, elle attend quand même. Qui peut dire, c'est charmant, d'avoir perdu le temps? Concluez-vous, Rose, dans votre chanson « Qui peut dire ?» qui pourrait être une conclusion à la nouvelle. Et vous voyez combien c'est magnifique que l'écriture arrive à capter ces infimes oscillations du cœur qui sont invisibles à l'œil nu. C'est celle de Tristan Iseut, c'est celle d'Anna Karénine, de Thérèse Raquin, de Swann dans Marcel Proust. Et tous pourraient se demander, je vous cite, Rose, « Où s'en vont finir leurs jours les beaux rêves, les grands amours? Où s'enfuient donc ces bouts de temps ?» Réponse dans les livres et dans les chansons. Je vous redonne les références. Pas exactement l'amour d'Arnaud Catherine est paru chez Vertical. Bravo, bravo. Je suis bluffé. Bravo. Vous avez préparé une chronique en sachant qui était l'invité. C'est. À trois jours de la fin, c'est. Clara Dubourg-Menot, rappelez-nous qui est l'invité. Indy. Indy Zara. Non, c'était Rose qui est avec nous. Rose, quand vous vous mettez à l'écriture, est-ce que vous vous dites simplement. Qu'est-ce que je vais raconter comme histoire? Ou c'est la question que vous ne vous posez pas? Vous vous posez au travail quand ça sort? Oula, quand ça sort. C'est difficile de raconter le processus créatif. Ouais, c'est jamais pareil, vraiment, mais en tout cas, c'est jamais je me demande, jamais je me dis de quoi je vais parler. Jamais, mais c'est jamais. Toujours narratif. Vous racontez presque toujours une histoire dans vos chansons. Enfin, en tout cas, on comprend. À chaque fois, ce que je raconte, je ne fais pas du tout dans l'abstrait, ça c'est sûr. Il y a toujours une psychologie. Il y a toujours une psychologie, c'est toujours une histoire, c'est toujours un tableau, c'est toujours... Et on est à un moment de l'histoire. Voilà, ouais, exactement. On sait si on est au début. C'est un tableau, ouais, c'est ouais, ça. Exactement, donc c'est un focus comme voilà. Ça. Il y a carrément des albums, mes premiers albums, c'était aussi des instantanés de focus, alors que le dernier, c'est beaucoup plus large. Quoi. C'est le premier, c'était une rupture, le second, c'était un divorce, le troisième, c'était un bébé, le quatrième, c'est la vie de couple, donc sûrement quelque chose encore qui va me tomber sur le coin de la... Un élément déclencheur, évidemment. Oui. qui vient accélérer le processus créatif. En fait, pendant des années, je note plein de phrases, plein de choses que je vois. Je n'écris pas à proprement parler mon album, mais je note énormément d'idées, de phrases, de choses. Et c'est en vous, dans la vie aussi, vous racontez des histoires, vous êtes une raconteuse, il m'est arrivé ça. Ouais, et ouais. Avec l'observation ouais, et le... Genre un dîner, oui. Oui. Vous êtes une fille, quoi. Je suis un peu accaparante. C'est le principe de la fille, en fait. Je suis un petit peu accaparante. Il y a un titre qui est un jeu de mots formidable, c'est « Maman est en bad ». Et je trouve que c'est un bon jeu de mots. Le mieux, c'est « Papa est en haut », la liste des salons. Bien le titre. À découvrir en tout cas sur le dernier album de Rose qui s'intitule Pink Lady qui vient de sortir. Et Rose que vous pourrez voir en concert le 12 juillet au Francophonie de La Rochelle. Troisième sujet avec vous sur France Inter. On va arrêter de se moquer deux secondes de Taylor Swift, figurez-vous. Vous ne vous jamais moqué, figurez-vous. Je l'adore. C'est vrai? Vous allez nous raconter, parce que moi j'ai découvert qui c'était là avec ce sujet. Donc, c'est la country, elle est géniale. C'est pas un peu la Paris Hilton de la chanson? Pas du tout, mon Dieu. Ah ouais, ouais, d'accord. Qui a tenu tête à Apple quand même et obtenu gain de cause. Pour ça déjà, on pour l'aime. Toute sa profession, Taylor Swift, c'est un produit, mais qui pense un peu, parfois. Enfin, elle pense des fois. Pas du tout, du tout, du tout. Salut papa. Toute la journée, elle fait non, elle a fait non à Apple qui lance donc son système de streaming comme Deezer, Spotify, etc. et qui offrait 3 mois gratuits aux nouveaux utilisateurs et ne rémunérait pas les artistes. Et Taylor Swift, c'est insurgé. Oui, elle a pris son bâton de maréchal et elle a obtenu gain de cause alors qu'on attendait peut-être plus des gens comme Neil Young, etc. Les contestataires, c'était Taylor Swift. Donc, alors moi, j'ai découvert qui était Taylor Swift. J'avais pas un a priori. Mais elle est très connue. Non, mais elle est pas très connue en France. 33 millions d'albums, 25 ans. Alors, donc vous aimez Taylor Swift, mais Rose. J'adore. C'est la vraie folkeuse comme à l'ancienne. Elle a un côté un peu Sheryl Crow à l'époque ou Shania Twain ou ce genre de voix. Et en même temps, elle se renouvelle tout le temps. Elle fait des guests. Là, c'est quoi son dernier tube là? Elle est en featuring avec. Ne nous regardez pas comme ça. Didier Barbalivien. Nous on connaît le featuring, mais le featuring. Non, mais franchement, elle est toujours là où on l'attend pas. Elle a retiré tous ses albums parce qu'elle a raison. Enfin, aujourd'hui, on est complètement, on est spoilé de. Enfin, on est honnêtement, c'est très grave ce qui se passe avec le streaming quand même. Qu'est-ce parce qu'on n'est pas la du tout rémunéré. Justement, de votre album ici, là, parce qu'on tombe dans vous avez plus sorti d'album depuis quelques années, et là aujourd'hui, vous allez sans doute en vendre. 2 ans seulement. Ah, vous allez sans doute peut-être en vendre beaucoup plus. Mais énormément, là, j'ai prévu des... Non, mais moins l'album matériel que les chansons via les plateformes. Aujourd'hui, je compte vraiment beaucoup plus sur les droits d'auteur que sur les ventes de disques. Donc, je préfère me dire que ça va pas vendre, ou que ça va vendre peu, ou que ça va vendre moins. Quand j'ai vendu 600 000 albums en 2010, aujourd'hui, pour tout le monde, ça a diminué de 50% déjà, quoi qu'il arrive. Donc, on peut pas s'attendre non plus à des choses. Mais je trouve que c'est... Par contre, ce que je me demande, c'est comment elle a su. Genre la nana, elle est là, qui lui a dit qu'elle n'allait pas être rémunérée pendant 3 mois? Qu'est-ce que ça peut lui faire? Rien, j'imagine, vu qu'elle gagne des milliards. Je pense vraiment que c'était encore... Elle est très forte, elle est toujours, elle est toujours là pour faire son coup de pub, son coup de buzz, son coup de gueule. Parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est que le coulage de l'industrie phonographique a été organisé par les fournisseurs d'accès à Internet. On n'a rien fait... Pourquoi? Parce qu'on faisait même de la pub il y a une quinzaine d'années en disant téléchargez sur internet vos chansons et abonnez-vous, alors qu'il n'y avait aucun site de téléchargement légal. Donc à qui a profité ce crime? Aux fournisseurs d'accès d'internet. Aujourd'hui, une fois que le parc des abonnements a été saturé, on s'est mis à faire Adopi, sauf que c'était trop tard pour ce qui nous concerne. Donc se battre contre Apple, se battre contre Deezer, c'est des combats qui sont pratiquement perdus d'avance quand on voit une grosse artiste comme ça. Et une des solutions, par exemple, pour eux, c'est aller la voir en concert, par exemple, au Franco de La Rochelle le 12 juillet, ou alors au festival Tout un Foin de Bayeux, c'est le 25 juillet ou le 30 juillet, à Carcassonne, et tout de suite dans ce studio, mais de façon un peu spéciale, Alex. Eh bien, Rose a accepté de nous faire la liste, version Carla Bruni. J'ai accepté, mais je ne suis pas convaincue de tes paroles. Hein. Ah bah, mais par contre, vous pouvez... Sur un texte d'Alex Vigerec et de musique de Rose. je précise, ce n'est pas moi qui fais le texte. C'est important, hein. Vous êtes copine avec Carla, vous le resterez. Carla Bruni, mais m'a ouvert la voie, donc je ne peux que l'aimer. Vous savez, bien... quand elle arrive avec sa guitare, elle nous a ouvert la voie. Allez, lancez-vous, Rose, on vous écoute. Bon, bah, ça donne. Courir le long de la mer, lire sa Dick et Voltaire. J'aimerais bien savoir imiter. Tweeter à Nouna, t'offrir du Temesta. Aller au PSG, te voir te raser, faire un culpé copé. T'offrir une autre Rolex, te parler de mes ex, ouvrir un compte en Suisse et placer ton fils. Faire des conférences, des jeux d'influence et rediriger la France. Oui, les pieds, ça va pas. Prendre des cours de chant. T'appeler bismuth tout le temps. J'ai plein d'idées pour toi. Ah, plus que Marine, tu vois, j'ai rien trouvé de mieux à faire. Et ça peut paraître bien ordinaire, mais c'est la liste des choses que je veux faire avec Nicolas. Nicolas, c'est de moi. Impeccable. Ça, c'est de vous. Bravo. Bon, si Frédéric Fromet est en panne un vendredi, vous venez faire des sketchs. C'est pas évident parce qu'on vous a mis le texte sous le nez là tout de suite, oui. En impro. C'est mon métier en même temps. Hein, Oui, la chansonnière maintenant, Rose. Oui, ouais. Le caveau de la République. Est-ce que Rose et ses meilleurs sketchs. Merci beaucoup en tout cas. Merci de nous avoir accompagnés. Rose, votre dernier album s'appelle Pink Lady. Vous allez tourner un peu donc, dans les festivals. J'en ai cité trois là, mais oui. Est-ce que vous allez courir un petit peu plus J'espère bien. Oui. Et à la rentrée, on part en tournée. Et on vous voit à Paris. Je reviendrai à Paris. Je viens de faire La Cigale, donc je reviendrai à Paris cet hiver, oui. Voilà, donc Rose, je le promets. C'est noté. Toutes les dates. Donc à la rentrée à travers la France et puis les festivals, hein, notamment le 30 juillet à Carcassonne, le 25 à Tout un Foin à Bayeux et le 12 juillet au Francofolie. Et puis tiens, ce soir, il y a une soirée concert sur France Inter de 20h à 23h en direct de la Basilique de Saint-Denis. Autre registre, Requiem de Verdi par le chœur de Radio France et l'orchestre philharmonique de Radio France. Chic. Voilà, merci Rose, merci à toute cette tablée, merci à André Manoukian, merci à Guillaume Meurice, Clara Dupont-Mono, Alex Vizorek. À demain. Mais bien sûr, à demain avec Hippolyte Girardot. Puis tout l'été, il y aurait quand même Clara Dupont-Mono qui va nous tenir compagnie à 18h tous les jours. Et le mot de la fin à cet enregistrement de la NSA capté dans un salon de l'Élysée. François. Belle cheval.